Une nuit de Cléopâtre, de Théophile Gautier, 1838. Chapitre 1. Il y a, au moment où nous écrivons cette ligne, 1900 ans environ, qu'une cange, magnifiquement dorée et peinte, descendait le Nil avec toute la rapidité que pouvaient lui donner 50 rames, longues et plates, rampant sur l'eau et gratignées comme les pattes d'un scarabée gigantesque. Cette cange était étroite, de forme allongée, relevée par les deux bouts en forme de corne de lune naissante, svelte de proportion, et merveilleusement taillée pour la marche. Une tête de bélier surmontée d'une boule d'or ornait la pointe de la proue et montrait que l'embarcation appartenait à une personne de race royale. Au milieu de la barque s'élevait une cabine à toit plat, une espèce de nao sous tente d'honneur, coloriée et dorée, avec une moulure à palmettes et quatre petites fenêtres carrées. Deux chambres, également couvertes d'hiéroglyphes, occupaient les extrémités du croissant. L'une d'elles, plus vaste que l'autre, avait un étage juxtaposé de moindre hauteur, comme les châteaux gaillards de ces bizarres galères du XVIe siècle, dessinées par Delia Bella. La plus petite, qui servait de logement aux pilotes, se terminait en fronton triangulaire. Le gouvernail était fait de deux immenses avirons, ajustés sur des pieux bariolés et s'allongeant dans l'eau derrière la barque, comme les pieds palmés d'un cygne. Des têtes coiffées du pchent et portant au menton la corne allégorique étaient sculptées à la poignée de ces grandes rames que faisait manœuvrer le pilote debout sur le toit de la cabine. C'était un homme basané, fauve comme du bronze neuf, avec des luisants bleuâtres et miroitants, l'œil relevé par les coins, les cheveux très noirs et tressés en cordelettes, la bouche épanouie, les pommettes saillantes, l'oreille détachée du crâne, le type égyptien dans toute sa pureté. Un panier étroit, bridant sur les cuisses, et 5 ou 6 tours de verroterie et d'amulettes composaient tout son costume. Il paraissait le seul habitant de la cange, car les rameurs, penchés sur leurs avirons et cachés par le plat-bord, ne se faisaient deviner que par le mouvement symétrique des rames ouvertes en cône d'éventail à chaque flanc de la barque, et retombant dans le fleuve après un léger temps d'arrêt. Aucun souffle d'air ne faisait trembler l'atmosphère, et la grande voile triangulaire de la cange, assujettie et ficelée avec une corde de soie autour du mât abattu, montrait que l'on avait renoncé à tout espoir de voir le vent s'élever. Le soleil du midi décochait ses flèches de plomb. Les vases cendrés des rives du fleuve lançaient de flamboyantes réverbérations. Une lumière crue, éclatante et poussiéreuse à force d'intensité, ruisselait en torrent de flammes. L'azur du ciel blanchissait de chaleur comme un métal à la fournaise. Une brume ardente et rousse fumait à l'horizon incendié. Pas un nuage ne tranchait sur ce ciel invariable et morne comme l'éternité. L'eau du Nil, terne et mate, semblait s'endormir dans son cours et s'étaler en nappes d'étain fondu. Nulle haleine ne ridait sa surface et n'inclinait sur leurs tiges les calices de lotus, aussi roides que s'ils eussent été sculptés. À peine si de loin en loin, le seau d'un béchir ou d'un faaka, gonflant son ventre, y faisait miroiter une écaille d'argent. Et les avirons de la cange semblaient avoir peine à déchirer la pellicule fuligineuse de cette eau figée. Les rives étaient désertes. Une tristesse immense et solennelle pesait sur cette terre qui ne fut jamais qu'un grand tombeau et dont les vivants semblent ne pas avoir eu d'autre occupation que d'embaumer les morts. Tristesse aride, sèche comme la pierre ponce, sans mélancolie, sans rêverie, n'ayant point de nuages gris de perles à suivre à l'horizon, pas de source secrète où baigner ses pieds poudreux. tristesse de sphinx, ennuyé de regarder perpétuellement le désert, et qui ne peut se détacher du socle de granit où il aiguise ses griffes depuis 20 siècles. Le silence était si profond qu'on eût dit que le monde fût devenu muet, ou que l'air eût perdu la faculté de produire le son. Le seul bruit qu'on entendit, c'était le chuchotement et les rires étouffés des crocodiles pâmés de chaleur qui se vautraient dans les joncs du fleuve, ou bien quelque ibis qui, fatigué de se tenir debout, une patte repliée sous le ventre et le cou entre les épaules, quittait sa pose immobile et, fouettant brusquement l'air bleu de ses ailes blanches, allait se percher sur un obélisque ou sur un palmier. La canche filait comme la flèche sur l'eau du fleuve, laissant derrière elle un sillage argenté qui se refermait bientôt, et quelques globules écumeux venant crever à la surface témoignaient seuls du passage de la barque, déjà hors de vue. Les berges du fleuve, couleur d'ocre et de saumon, se déroulaient rapidement comme des bandelettes de papyrus entre le double azur du ciel et de l'eau, si semblables de ton que la mince langue de terre qui les séparait semblait une chaussée jetée sur un immense lac, et qu'il eût été difficile de décider si le Nil réfléchissait le ciel ou si le ciel réfléchissait le Nil. Le spectacle changeait à chaque instant. Tantôt c'étaient de gigantesques propylées qui venaient mirer au fleuve leurs murailles en talus, plaquées de larges panneaux de figures bizarres. Des pylônes aux chapiteaux évasés, des rampes côtoyées de grands sphinx accroupis, coiffés du bonnet à barbe cannelée et croisant sous leurs mamelles aiguës leurs pattes de basalte noir. Des palais démesurés faisant saillir sur l'horizon les lignes horizontales et sévères de leur entablement, où le globe emblématique ouvrait ses ailes mystérieuses comme un aigle à l'envergure démesurée. Des temples aux colonnes énormes, grosses comme des tours, où se détachaient sur un fond d'éclatante blancheur des processions de figures hiéroglyphiques. Toutes les prodigiosités de cette architecture de titans, tantôt des paysages d'une aridité désolante, des collines formées par de petits éclats de pierre provenant des fouilles et des constructions, miettes de cette gigantesque débauche de granit qui dura plus de 30 siècles, des montagnes exfoliées de chaleur, déchiquetées et zébrées de rayures noires semblables aux cautérisations d'un incendie, des tertres bossus et difformes accroupis comme le cryocéphale des tombeaux, et découpant au bord du ciel leur attitude contrefaite, des marnes verdâtres, des ocres roux, des tufs d'un blanc farineux, et de temps à autre quelques escarpements de marbre couleur rose sèche où bâillaient les bouches noires des carrières. Cette aridité n'était tempérée par rien. Aucune oasis de feuillage ne rafraîchissait le regard. Le vert semblait une couleur inconnue dans cette nature. Seulement de loin en loin, un maigre palmier s'épanouissait à l'horizon, comme un crabe végétal. Un opale épineux brandissait ses feuilles acérées comme des glaives de bronze. Un cartame, trouvant un peu d'humidité à l'ombre d'un tronçon de colonne, piquait d'un point rouge l'uniformité générale. Après ce coup d'œil rapide sur l'aspect du paysage, revenons à la cange aux 50 rameurs, et sans nous faire annoncer, entrons de plein pied dans la naos d'honneur. L'intérieur était peint en blanc avec des arabesques vertes, des filets de vermillon et des fleurs d'or de forme fantastique. Une natte de jonc d'une finesse extrême recouvrait le plancher. Au fond s'élevait un petit lit à pied de griffon avec un dossier garni comme un canapé ou une causeuse moderne. Un escabeau à 4 marches pour y monter et recherche assez singulière dans nos idées confortables. Une espèce d'hémicycle en bois de cèdre monté sur un pied, destiné à embrasser le contour de la nuque et à soutenir la tête de la personne couchée. Sur cet étrange oreiller reposait une tête bien charmante, dont un regard fit perdre la moitié du monde. Une tête adorée et divine, la femme la plus complète qui ait jamais existé, la plus femme et la plus reine, un type admirable auquel les poètes n'ont pu rien ajouter, et que les songeurs trouvent toujours au bout de leurs rêves. Il n'est pas besoin de nommer Cléopâtre. Auprès d'elle, Charmion, son esclave favorite, balançait un large éventail de plumes d'ibis. Une jeune fille arrosait d'une pluie d'eau de senteur les petites jalousies de roseaux qui garnissaient les fenêtres de la naos, pour que l'air n'y arrivât qu'imprégné de fraîcheur et de parfum. Près du lit de repos, dans un vase d'albâtre rubané, au goulot grêle, à la tournure effilée et svelte, rappelant vaguement un profil de héron, trempait un bouquet de fleurs de lotus, les unes d'un bleu céleste, les autres d'un rosé tendre, comme le bout des doigts d'Isis, la grande déesse. Cléopâtre, ce jour-là, par caprice ou par politique, n'était pas habillée à la grecque. Elle venait d'assister à une panégyrie, et elle retournait à son palais d'été dans la cange avec le costume égyptien qu'elle portait à la fête. Nos lectrices seront peut-être curieuses de savoir comment la reine Cléopâtre était habillée en revenant de la Mamisie d'Hermontis, où l'on adore la triade du dieu Mandou, de la déesse Rito et de l'arphis Arphré. C'est une satisfaction que nous pouvons leur donner. La reine Cléopâtre avait pour coiffure une espèce de casque d'or très léger, formé par le corps et les ailes de l'épervier sacré. Les ailes, rabattues en éventail de chaque côté de la tête, couvraient les tempes, s'allongeaient presque sur le cou et dégageaient par une petite échancrure une oreille plus rosée et plus délicatement enroulée que la coquille d'où sortit Vénus, que les Égyptiens nomment Hathor. La queue de l'oiseau occupait la place où sont posés les chignons de nos femmes. Son corps, couvert de plumes imbriquées et peintes de différents émaux, enveloppait le sommet du crâne, et son cou, gracieusement replié vers le front, composait avec la tête une manière de corne étincelante de pierreries. Un cimier symbolique en forme de tour complétait cette coiffure élégante, quoique bizarre. Des cheveux noirs, comme ceux d'une nuit sans étoiles, s'échappaient de ce casque et filaient en longues tresses sur de blondes épaules, dont une collerette ou hausse col, ornée de plusieurs rangs de serpentines, d'azérodraques et de chrysobéryl, ne laissait hélas apercevoir que le commencement. Une robe de lin à côtes diagonales, un brouillard d'étoffe, de l'air tramé, ventus textilis, comme dit Pétrone, ondulait en blanche vapeur autour d'un beau corps dont elle estompait mollement les contours. Cette robe avait des demi-manches juste sur l'épaule, mais évasées vers le coude comme nos manches à sabots, et permettait de voir un bras admirable et une main parfaite, le bras serré par 6 cercles d'or et la main ornée d'une bague représentant un scarabée. Une ceinture, dont les bouts noués retombaient par devant, marquait la taille de cette tunique flottante et libre. Un mantelet garni de franges achevait la parure. Et si quelques mots barbares n'effarouchent point les oreilles parisiennes, nous ajouterons que cette robe se nommait « Shenti » et le mantelet « Calasiris ». Pour dernier détail, disons que la reine Cléopâtre portait de légères sandales fort minces, recourbées en pointe et rattachées sur le coude pied comme les souliers à la poulaine des châtelaines du Moyen-Âge. La reine Cléopâtre n'avait cependant pas l'air de satisfaction d'une femme sûre d'être parfaitement belle et parfaitement parée. Elle se retournait et s'agitait sur son petit lit, et ses mouvements assez brusques dérangeaient à chaque instant les plis de son conopéum de gaze que Charmion rajustait avec une patience inépuisable, sans cesser de balancer son éventail. « L'on étouffe dans cette chambre, » dit Cléopâtre. « Quand même Phtah, dieu du feu, aurait établi ses forges ici, il ne ferait pas plus chaud. L'air est comme une fournaise. » Elle passa sur ses lèvres le bout de sa petite langue, puis étendit la main comme un malade qui cherche une coupe absente. Charmion, toujours attentive, frappa des mains. Un esclave noir, vêtu d'un tonnelet plissé comme la jupe des Albanais et d'une peau de panthère jetée sur l'épaule, entra avec la rapidité d'une apparition, tenant en équilibre, sur la main gauche, un plateau chargé de tasses et de tranches de pastèque, et dans la droite, un vase long muni d'un goulot comme une théière. L'esclave remplit une découpe, en versant de haut avec une dextérité merveilleuse, et la plaça devant la reine. Cléopâtre toucha le breuvage du bout des lèvres, le reposa à côté d'elle, et tournant vers Charmion ses beaux yeux noirs, onctueux et lustrés par une vive étincelle de lumière. « Oh, Charmion, dit-elle, je m'ennuie.